Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Buster Keaton, l'homme qui ne riait jamais, mais qui a fait rire le monde entier. I fell down a flight of stairs when I was around 6 months old. They picked me up and no bruises and didn't seem to hurt myself. And Houdini says that was a Buster. The old man says that's a good name, we'll call him that. Elle est assez formidable, cette anecdote que raconte Buster Keaton à la BBC au début des années 1960. C'est quand il déboule les marches d'un escalier sans se blesser, alors qu'il n'a que 6 mois, que le magicien Houdini lui donne le surnom de Buster. Cette première acrobatie de Buster Keaton ne sera pas sa dernière, bien au contraire. C'est d'ailleurs avec ce jeu très physique qu'il a, avec son visage impassible aussi, que Buster Keaton va construire sa légende et devenir un géant du cinéma muet. Buster Keaton vient de mourir à l'âge de 70 ans. Avec lui disparaît une autre des grandes figures de ce que l'on appelle l'âge d'or du cinéma. Buster Keaton disparaît au moment où commençait pour lui une deuxième carrière. Après une période de demi-oubli, on faisait appel à lui de plus en plus souvent. Même dans les films les plus médiocres de la série des Beach Parties, sa silhouette inquiétante de clown triste réjouissait les spectateurs. Buster Keaton, c'est désormais un certain visage fixé à jamais. Les traits impassibles d'un petit homme frêle, habile et vif, athlète complet du gag acrobatique et de la drôlerie la plus subtile. Parlant de lui-même, Buster Keaton disait « Au cours de mon enfance, j'avais été à dure école. Il m'en était resté des dons d'acrobate, si bien que chute, tour de force, n'était qu'un jeu pour moi. Mais ce n'étaient pas les seules caractéristiques de mon personnage. Moi, je n'étais ni un clochard comme Charlot, ou un inadapté comme Harold Lloyd. Quand je trouvais du travail, ma règle de conduite était de faire de mon mieux pour donner satisfaction, comme si j'avais l'intention de faire ce travail le restant de mes jours. S'il me fallait piloter une locomotive, je m'efforçais de le faire bien. Charlot, lui, l'aurait conduite sur la voie du garage la plus proche et aurait tout laissé tomber. Telle était la différence fondamentale entre mon personnage et les autres, quel que soit le cadre et la trame de l'histoire. Extrait de l'émission Cinéma 66 du 6 février 1966. Vous y entendiez Michel Garneau et Diane Giguère décrire le parcours de Buster Keaton quelques jours après sa mort, le 1er février 1966. Pour nous parler du cinéma de Buster Keaton, je reçois André Lavoie, qui est critique de cinéma au journal Le Devoir. André Lavoie, bonjour. Bonjour, Jacques. Alors André, Buster Keaton, c'est, puis on l'entendait déjà dans cet extrait, c'est avec Charlie Chaplin, l'un des quelques géants du cinéma muet. Comment décrire son cinéma? Et comment il se compare, justement, ce cinéma, à celui de Charlot? Bien, en fait, on les compare souvent, ces deux artistes, parce qu'ils ont plusieurs points biographiques parallèles. Les deux sont nés à la fin du 19e siècle. Ils viennent du milieu du théâtre burlesque à cause de leurs parents qui étaient des artistes. Ils ont connu la pauvreté, la misère. Ils ont peu fréquenté l'école. On dit que Buster Keaton l'a fréquenté une seule journée. Et ils ont débuté au même moment sur grand écran, alors que l'industrie américaine du cinéma commençait à se construire au début du 20e siècle. Et on l'a entendu, chacun des deux s'est forgé une personnalité cinématographique qu'on reconnaissait tout de suite sur grand écran. Bon, Chaplin avec son chapeau melon et sa canne, mais Buster Keaton, lui, il avait souvent un chapeau plat, mais c'est surtout son visage qui était imperturbable, qui ressemblait à un masque, et en plus, il ne riait jamais. Et Buster Keaton expliquait le fait qu'il ne riait jamais en disant « j'étais trop occupé », mais en fait aussi, plusieurs disaient, c'est qu'il était très préoccupé parce qu'il faisait des cascades particulièrement dangereuse, et aussi ses nombreux problèmes personnels ont souvent un peu contaminé ses tournages. Oui, mais ça va, puis on va y revenir dans l'émission, ça fait partie, cette espèce de dichotomie, ce jeu très, très physique, très acrobatique, très drôle, avec cette impassibilité dans le visage, ça fait partie du personnage qu'il va construire. On poursuit sur la comparaison entre ces deux géants, Buster Keaton et Charlie Chaplin. On écoute à ce propos le critique de cinéma Luc Perrault à l'émission Présent National en décembre 1971. Vous reconnaîtrez peut-être au début et à la fin de cet extrait la musique du film Le Mécano de la Générale, qui est le grand chef-d'œuvre de Buster Keaton. La différence peut-être entre Keaton et Chaplin, c'est que Chaplin a donné à son œuvre un contenu social beaucoup plus fort, beaucoup plus cohérent et beaucoup plus évident que Keaton. Keaton, lui, c'était avant tout un perfectionniste du cinéma. C'était un technicien qui voulait perfectionner ses gags et qui était génial, il faut le dire. Peut-être même davantage que Chaplin, quand on l'examine seulement du point de vue du comique de ses œuvres. Il y a aussi le fait que Keaton, disons, est considéré comme plus moderne que Chaplin, dans le sens qu'il se rapproche davantage des tendances actuelles de l'évolution de l'art, c'est-à-dire que c'est un type plus... Ses œuvres sont des œuvres qui tendent plus vers l'abstraction que celle de Chaplin, qui, lui, a toujours eu un contenu très concret, a donné à ses films une forme très, très définie, des personnages très, très caractérisés. Tandis que Keaton s'intéressait davantage à l'architecture de ses œuvres, s'intéressait davantage à la progression d'un gag à travers une séquence. Alors, poursuivons un petit peu sur cette comparaison entre Chaplin et Keaton, André Lavoie, sur la nature de leur relation aussi. Au début des années 50, c'est intéressant de le savoir, mais Keaton va faire une apparition aux côtés de Charlot dans le film Les Feux de la Rampe. On va dire d'ailleurs que certains vont dire qu'il s'agit d'une sorte de réconciliation entre les deux géants. De fait, parlez-moi de ça, André Lavoie. On peut revenir un peu sur la façon dont les deux se comparent, mais sur le type de relation également qu'ils vont avoir au moment où tous les deux sont vraiment au sommet de leur art. Comment ça se passe entre eux? Mais en fait, moi, je vous dirais, et plusieurs biographes sont du même avis, que c'est pas tant des réconciliations que des retrouvailles. Ils se sont jamais complètement brouillés. Ils ont toujours maintenu le contact. Certaines mauvaises langues disent d'ailleurs que Chaplin aurait copié quelques gags de Keaton, et ça serait pas étonnant. Mais les médias les ont souvent opposés parce qu'ils étaient, dans les années 20, dans les années 30, extrêmement populaires. Ils s'arrachaient un peu le même public et ils étaient très connus, bien sûr, et aussi très bien payés à cette époque-là. Mais ils se fréquentaient, ils discutaient beaucoup de cinéma, mais pas tellement de politique. D'ailleurs, une anecdote très amusante, Buster Keaton, la politique, ça ne l'intéressait pas du tout, et Chaplin lui a fait une longue tirade en disant qu'il fallait que tous les enfants du monde aillent à l'école et puissent manger à leur faim, et Keaton lui aurait répondu du tac au tac, « Écoute, est-ce que tu connais quelqu'un qui est contre ça? » Et il n'était pas du tout inconfortable avec les sympathies communistes de Chaplin à l'époque. Ça ne l'intéressait tout simplement pas. Donc, les deux hommes se retrouvaient dans leur amour du cinéma, dans leur amour du public. Et aussi, c'est sûr que comme ils ont eu des parcours personnels extrêmement différents, évidemment, chacun a connu ses misères, les chances de rapprochement étaient quand même pas si grandes que ça, même s'ils travaillaient tous les deux à Hollywood. En ce qui concerne Les Feux de la Rampe, c'est vrai que c'est à la fois très impressionnant et très émouvant de les voir réunis à l'écran. C'est un film que moi, j'ai toujours baptisé de film crépusculaire, parce que c'est un film qui annonce, d'une certaine façon, la fin de leur carrière et aussi la fin de leur vie. Ouais. Et on raconte aussi, dans certaines biographies de Keaton, que Chaplin, qui n'était pas toujours un modèle d'humanisme dans la vie, là, aurait coupé et aurait resserré plusieurs scènes avec Keaton, et il y a des images, des séquences qui auraient donné à Keaton une présence encore plus lumineuse dans le film, mais Chaplin sentait que Keaton aurait pu lui faire ombrage, donc comme c'était lui qui était le maître du film, il a mis un certain contrôle, si on veut, sur la présence de Keaton dans Les Feux de la Rampe. Oui. L'un des points communs, puis vous venez de le soulever, c'est qu'ils viennent tous les deux du burlesque. Commençons par là, pour revenir plus spécifiquement à Buster Keaton, son expérience sur scène. Ses débuts très, très jeunes, il a quoi, à peu près 3 ans, hein, quand il commence à accompagner ses parents sur scène. Ça va ressembler à quoi, cette enfance très particulière que va avoir Buster Keaton, André Lavoie? Bien, je vous dirais, l'expression « enfant de la balle », ça s'applique à Buster Keaton, mais pour deux raisons. Ses parents l'ont très, très tôt intégré à leur spectacle. Il a littéralement grandi sur scène et il était tellement jeune que les autorités de l'État de New York sont allées surveiller, en fait, ils ont été vérifier si Buster Keaton, leur enfant, allait à l'école, mais en fait, les parents de Buster Keaton l'auraient déguisé en nain pour qu'ils puissent justement échapper à l'école. Donc, les parents de Buster Keaton ont mis la main haute sur la destinée, l'enfance de Buster Keaton, qui l'a passé littéralement sur scène. Enfant de la balle aussi parce que son père se servait beaucoup de son fils comme objet, évidemment, de drôlerie, mais aussi parfois comme projectile. Alors, on raconte que son père, Joe, aurait lancé plusieurs fois Buster Keaton dans la salle en direction de spectateurs assez indisciplinés. Et écoutez, ça fait de Buster Keaton un battant, un résistant. Il a littéralement survécu pendant son enfance à des tornades, à des accidents de train. Oui. Il a tombé plusieurs fois dans les escaliers et ça explique sa résistance à la douleur. D'ailleurs, à la fin de sa vie, Buster Keaton a dit qu'à peu près tous ses os ont été cassés au moins une fois. Mais au début de la vingtaine, il était assez là, assez épuisé d'avoir à subir les coups de son père, d'autant plus que son père était alcoolique. Et ça faisait en sorte que leur spectacle était de plus en plus médiocre. Alors ici, il a décidé de poursuivre sa carrière théâtrale ailleurs. Oui. Il s'en allait, paraît-il, à une audition pour un spectacle sur Broadway. Et il a croisé quelqu'un qui l'a intégré au studio du producteur Joseph Schneck. Et c'est là que Keaton a commencé à tourner ses premiers courts-métrages. Il s'est fait vite remarquer, il s'est fait vite connaître. Il a obtenu rapidement beaucoup de succès. Et on a même créé à l'intérieur de ces studios-là les Buster Keaton Comedies. Et là, pendant près de 10 ans, Buster Keaton a pu s'entourer de collaborateurs avec qui il a tourné ses plus grands films et il a vécu sa décennie, la période la plus foisonnante, la plus remarquable, la plus créatrice de toute sa carrière. Parlons un petit peu plus longuement de... Déjà, vous l'avez un peu évoqué, son enfance, en fait, va... Et cette espèce d'utilisation que le père fait de Buster Keaton sur scène, c'est assez violent. Ça va forger son caractère et ça va aussi forger ce personnage qu'il va incarner au grand écran. On écoute à ce propos deux extraits d'émission. L'émission Pop Fiction, consacrée à la mécanique du rire de Buster Keaton, qui a été diffusée à France Inter en mars 2016. Et vous allez entendre ensuite un extrait du documentaire Buster Keaton, le pionnier de l'extrême, diffusé à France Culture en janvier 2016. On l'appelait l'homme qui ne rit jamais, donc voilà, comme ça c'est parfait. Il faut dire que quand il était gamin, il jouait avec ses deux parents qui faisaient du vaudeville, donc qui étaient sur scène, et ses parents avaient comme numéro de s'engueuler sur scène. Et puis, tout d'un coup, voici que Buster arrive, c'est un enfant. Bon, 4-5 ans. Et 4, non, même pas. Et il commence à impliquer l'enfant, puis à se le balancer à la figure, puis il se rend compte que le public rigole. Alors, et évidemment, il faut surtout pas que l'enfant rit ou pleure. Donc, il balance Buster, il se le balance de plus en plus à la figure, et puis à la fin, il lui casse des assiettes sur la tête, il lui donne des coups de balai, et en général, à la fin, ils le prennent et ils le balancent dans le public. Et ce qui fait rire, c'est que le gamin ne pleure jamais. Il se relève et il remonte sur scène. Il y a eu des plaintes de déposés pour spectacle cruel, enfin cruauté envers enfants, etc. C'est incroyable. Clément Safran. Oui, c'est vrai que pourquoi est-ce qu'il a adopté ce visage, c'est un peu difficile à dire. On dit aussi the great stone face, le visage vraiment de pierre. Ce qui est intéressant, c'est l'effet que ça produit dans un film de cinéma où justement, en fait, il déplace complètement la performance comique du visage. Il l'enlève du visage pour la passer sur le corps, sur le mouvement du corps. Il prend des coups. Son père est quelqu'un de très violent, d'alcoolique. Et c'est de là aussi que vient un peu une autre légende qui est l'homme qui ne rit jamais, frigo, le masque de cire, tête de buis, c'est-à-dire quelqu'un dont le visage ne bouge pas. Il avait peur des coups qu'il prenait. Et tout le comique de Keaton ne peut pas se comprendre si on ne voit pas que ce visage qui ne bouge pas, est un visage qui craint déjà le danger qui menace. Et tous ces grands films vont être des films qui commencent toujours par une catastrophe. Ça, c'est intéressant, ce qu'on vient d'entendre. Ça nous en dit beaucoup sur le personnage qui va développer au cinéma, Buster Keaton. Comment décrire ce personnage, cet homme qui ne riait jamais, l'univers que va développer au grand écran Buster Keaton, André Lavoie? Mais en fait, c'est cette idée à la fois très simple et très complexe, pardon, d'un personnage qui sait affronter toutes les calamités, que ce soit des tornades, des guerres civiles, des naufrages, des effondrements d'édifices, des futures épouses en délire qui veulent marier le personnage de Keaton. tout s'abat sur lui et il tente l'impossible pour survivre à tout. Mais en même temps, et c'est ça qui fait la singularité de Keaton par rapport à quelqu'un comme Chaplin, par exemple, c'est pas un redresseur de tort, c'est pas un idéaliste, c'est pas un donneur de leçons. Il part jamais en guerre, il part jamais en croisade, c'est pas lui qui crée les problèmes, il les subit tout le temps. Ouais. Et je dirais que, étonnamment, pour moi, c'est une sorte d'incarnation du stoïcisme. C'est quelqu'un qui, devant le chaos, reste à la fois impassible, du moins le visage, mais tout le reste du corps cherche la survie, cherche la porte de sortie, cherche le moyen de survivre et d'affronter les éléments qui ne cessent de se déchaîner. Et ça a été sa marque de commerce, et le fait qu'il le fasse avec autant de brio, c'est ce qui fait qu'encore aujourd'hui, on se souvient de lui à cause de ça. Et son grand, bon, vous l'avez dit, il va faire des courts-métrages, puis il va se mettre à la réalisation. Les années 20, c'est déjà des années qui sont assez, ben, c'est sa grande décennie. Puis en 26, arrive ce grand film, ce chef-d'œuvre de Buster Keaton, Le Mécano de la Générale. Vous dites d'ailleurs de ce film-là, André Lavoie, qu'il est l'un des plus beaux films du cinéma burlesque. Pourquoi? C'est un film exceptionnel à tous les points de vue. D'abord, les prouesses de Buster Keaton sont extraordinaires. Il accomplit des choses phénoménales sur un train en marche. Faut préciser, mais enfin, tout le monde s'en doute, il faisait toutes ses cascades lui-même, souvent au péril de sa vie. Le film recèle des qualités techniques pour un film de l'époque, mais vraiment remarquables. C'était aussi ce qu'on pourrait appeler une super production. Prenons par exemple juste une séquence d'explosion d'un pont. Eh bien, cette séquence-là a été tournée avec 6 caméras. Elle a coûté à l'époque 42 000 $. Ici, on fait la différence. En fait, si on fait le parallèle, l'équivalence en dollars américains d'aujourd'hui, cette séquence-là coûterait 600 000 $. C'est un film qui s'inspire d'un fait réel qui est survenu pendant la guerre de sécession en 1862. Mais Buster Keaton n'en fait pas nécessairement un film historique et il ne prend pas nécessairement parti, ne pose pas un jugement sur l'histoire. Son personnage, en fait, s'il va réussir à récupérer une locomotive volée par des Nordistes alors que lui est dans le camp sudiste, c'est d'abord parce qu'il aime la locomotive, parce qu'il travaille sur les locomotives, et aussi il veut reconquérir son honneur bafoué parce que il a voulu s'engager dans l'armée, mais on n'a pas voulu de lui parce qu'on le trouvait trop chétif. Et ça l'a empêché de marier la femme qu'il aimait, son père, le père de la mariée, refusant que sa fille épouse le personnage de Buster Keaton. Alors, le film, à mon avis, est davantage un film... C'est pas un film de guerre, c'est pas un film historique. C'est un film qui a une grande portée universelle et qui privilégie pas un camp plutôt qu'un autre, mais qui raconte l'histoire d'une reconquête, la reconquête d'un honneur et aussi la reconquête d'une locomotive. Et c'est un film absolument brillant, passionnant, essoufflant, mais vraiment, vraiment remarquable et souvent très, très drôle. Et donc, avec ce film, en 1926, Le Mécano de la Générale, il est, Buster Keaton, vraiment au sommet de sa gloire et de son talent. Quelques années seulement vont passer, évidemment, arrivera le cinéma parlant, et c'est le début du déclin pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Bien, en fait, ce qui se passe, c'est que le studio MGM décide de le séduire, veut l'avoir dans leur écurie. Beaucoup de gens, dont Charlie Chaplin, le déconseillent d'aller chez MGM parce que c'est un studio qui est extrêmement contrôlant auprès des artistes. Même Keaton va reconnaître plus tard que ça a été la plus grosse gaffe de toute sa carrière. Et donc, comme Keaton n'a pas le sens des affaires, comme il n'est pas capable de devenir son propre producteur, il se trouve littéralement sous haute surveillance dans ce studio-là, sans liberté créatrice et sans les principaux collaborateurs qui ont fait le succès de ces films dans les années 20. Alors, les films de cette époque sont moins bien réussis que les précédents, sauf, je vous dirais, peut-être The Cameraman, en français, L'Opérateur. C'est un film, d'ailleurs, dont Woody Allen va s'inspirer beaucoup plus tard pour son film La Rose pourpre du Caire. Mm-hmm. Mais, en général, cette période-là, sur le plan cinématographique, c'est pas sa meilleure. On a souvent voulu le transformer. Et s'ajoute à ça, à cette époque assez douloureuse, deux divorces acrimonieux, dont le premier où sa femme a réussi à enlever la garde des enfants de Keaton. Il sera des années sans les voir. Et va s'accentuer son alcoolisme qui était déjà là. Et ça sera en fait pour lui un point tournant, mais un point tournant vers la déchéance. Ouais. Donc, année très, très difficile que ces années 30. Il y aura un petit regain, une forme de réhabilitation dans les années 50. Il revient un petit peu dans le décor. Il a son émission de télé. On en parlait un peu plus tôt. Il fait ce film Limelight en 50 avec Charlie Chaplin. Billy Wilder va recourir à ses services. Curtis aussi, quelques grands réalisateurs. Un Oscar en 59, un hommage à la Cinémathèque. Bref, il revient un petit peu dans le décor à ce moment-là. Ce qui nous amène à parler de la toute fin de sa carrière. On ne peut pas faire une émission sur Buster Keaton sans parler de cet épisode canadien. Turn them over anytime you're ready. Just off the sign. Les 35 premières années de sa vie, il les employa à devenir un des comédiens les plus célèbres du monde. Les dernières 35 années ont été un peu orageuses, mais Buster est resté quand même accroché au cinéma. Stand by. Okay, roll. Voici donc Keaton sur la côte est du Canada, prêt à tourner son 87e film, un court-métrage intitulé « The Railroader ». On l'y verra traverser le pays de l'Atlantique au Pacifique, ce rail, dans un chariot emballé. Gerald Potterton en est le réalisateur. Ses films ont été proposés deux fois pour l'Academy Award. C'est, pour Potterton, une excellente occasion de travailler avec un maître. Alors, Buster Keaton va tourner deux films avec l'ONF en 1965. On vient d'entendre un extrait du film avec Buster Keaton. Dans quel contexte André Lavoie se retrouve-t-il à tourner deux films avec l'ONF? Alors, il faut se rappeler qu'on est au milieu des années 60 et en 67, bien, c'est la célébration du centenaire de la Confédération. Alors, comme une des missions de l'ONF, c'est de faire connaître le Canada aux Canadiens et aux gens du reste du monde, et que le train est un élément essentiel de la construction identitaire du Canada, eh bien, Buster Keaton devenait une sorte de figure idéale pour traverser le Canada d'un océan à l'autre, sur les rails, et c'était en plus un très, très beau clin d'œil au Mécano de la Générale, qui restait encore son film le plus connu et le plus populaire. Donc, c'était à la base le concept du film de Gerald Potterton, et pendant le tournage de ce film, le cinéaste John Spotton en a profité pour observer Buster Keaton au travail. Et ce qui est encore plus pertinent et surtout plus émouvant, c'est que ça sera tourné un an avant sa mort. Et donc, ça sera une sorte de testament, si on veut, de la vie et de la carrière de Buster Keaton. Et au fond, ce que ça dit, en tout cas moi, c'est toujours l'image qui m'en reste de ce film-là, c'est que ça montre un artiste qui n'était pas un grand comique américain après Charlie Chaplin, mais avec Charlie Chaplin. André Lavoie, on s'arrête là-dessus. C'est toujours un bonheur de vous recevoir. Critique de cinéma au journal Le Devoir, ami de l'émission. Merci beaucoup, André. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.